13, 20, activation, dictée. Il en reste personne, une personne. Révision. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte deux fois. À la fac. Il y a trois personnes qui font la queue devant un bureau. Une personne entre dans le bureau. Combien reste-t-il de personnes devant le bureau? Eh bien, il en reste deux. Bon, maintenant, ces deux personnes entrent dans le bureau. Qui est-ce qu'il y a devant le bureau? Il n'y a personne. Il ne reste personne. Il y a trois personnes qui font la queue devant un bureau. Une personne entre dans le bureau. Combien reste-t-il de personnes devant le bureau? Eh bien, il en reste deux. Bon, maintenant, ces deux personnes entrent dans le bureau. Qui est-ce qu'il y a devant le bureau? Il n'y a personne. Il ne reste personne.